Chapitre 30e, les deux lettres d'amour. À l'atelier, cependant, ses camarades l'approuvaient ou la blâmaient selon leur goût propre, leur nature, de repousser ainsi le comte. « Tu ne devrais pas, tu ne devrais pas, » lui disaient les unes, « le repousser. Un homme riche, c'est la fin de la misère, plus d'atelier, du bien-être, tu n'y penses pas, voyons. C'est de la folie de ne pas accepter. Moi, à ta place, je sais ce que je ferai. Demain, je serai dans mes meubles, dans mon hôtel, avec chevaux, automobile, et en avant la grande vie, le bonheur, la noce. Tu ne devrais pas laisser passer la veine. » Elles allèrent jusqu'à lui dire qu'elles n'avaient pas le droit de ne pas écouter le comte, quand ce ne serait que pour pouvoir sauver sa mère, qui se mourait faute des soins qu'elle ne pouvait lui donner. D'autres, au contraire, approuvaient Riri, vantaient son honnêteté, affirmaient qu'il n'était pas nécessaire d'écouter les enjôleurs pour être heureuse, et pour faire du bien à ses parents. Elle rappelait que bien d'autres avaient cédé aux promesses des galants, comtes, barons ou autres. Elle n'avait pas trouvé le bonheur rêvé et promis. Celle-ci déclarait et le prouvait que ce qu'on appelait la grande vie, la noce, malgré son apparence de fête, était une existence bien pénible et nullement enviable. Cependant, Riri, entre ces deux opinions si opposées, se répétait « Pouvoir soigner ma mère, avoir un peu d'argent pour elle, pour cette pauvre Marie, apporter un peu de bien-être dans la triste maison où depuis si longtemps on souffre, on pleure. » Elle se demandait, faut-il écouter le comte, faut-il le repousser encore? Et le cœur révolté, l'âme loyale, honnête, en émoi, en revenant de l'atelier après cette journée si singulièrement commencée, quand elle pénétra dans le passage Ganneron, entra dans le vestibule de la maison, comme toujours, elle se demandait, quel nouveau malheur m'attend chez nous? Le concierge l'aperçut, l'arrêta dans le corridor. « Mademoiselle Riri, Mademoiselle Rirette, » appela-t-elle, « attendez, j'ai des lettres pour vous. »« Des lettres pour moi, Madame Thomas ?» fit Riri avec surprise. « Pour moi ou pour ma mère ? Pour vous. » »« Comme il y a personnel sur l'enveloppe, je n'ai pas cru devoir les monter et les donner à votre sœur. Je vous attendais, les voici. » Madame Thomas remit deux lettres à la jeune fille, qui les prit, et regarda la suscription dont elle ne reconnut pas l'écriture. L'une des enveloppes était encadrée de noir, une lettre de deuil. L'autre, un papier de fantaisie, portait dans de la cire dorée une couronne de comte comme cachet et un écusson armorié. Le concierge donna à Riri quelques explications. « Cette lettre, c'est un monsieur en deuil, jeune, beau garçon, qui l'a apportée, me priant de vous la remettre à vous-même. Il n'a pas dit son nom ?»« Non, mademoiselle Rirette. Mais il ressemble beaucoup au docteur Robert, qui vient soigner votre mère. »« Ah, le docteur Robert ?» Rirette ne l'avait pas encore vu. Elle le connaissait seulement par les dires de sa sœur, de sa mère, de ce brave Fernand, qui ne tarissait pas d'éloges sur son compte. « Peut-être que vous le connaissez, peut-être. »« Certainement qu'il aura mis son nom dans la lettre, car c'est vraiment un monsieur très bien, de bonne famille, un homme du monde, ça se voyait. Pour peu qu'on ait l'habitude, ça se reconnaît tout de suite. »« C'est sans doute une lettre d'affaires pour maman, » dit Rirette, « ou une proposition de travail pour ma sœur ou pour moi. » Elle rougissait, cherchait une excuse, avait honte en pensant que Madame Thomas la pouvait croire capable de recevoir des lettres d'amour. Elle cherchait une explication à donner, une raison à cette lettre dont elle ne connaissait pas encore le contenu. Mais la concierge, baissant la voix, lui dit « Ah, que je vous dise encore, il est venu un monsieur. Oh, celui-là, alors, un grand seigneur, tout à fait. Un beau garçon, et distingué, un comte. » Riri sursauta. « Comment ? Il a osé venir ici ?» Il m'a dit qu'il serait heureux de dire seulement deux mots à mademoiselle. Vous ne lui avez pas répondu, j'espère. Il peut garder ces deux mots. C'est ce que je lui ai donné à entendre. Vous avez bien fait. Je lui ai déclaré qu'avec vous, il perdait son temps. Oh, certainement. Je le sais. S'il revient, soyez assez bonne pour lui faire comprendre que sa poursuite m'est très pénible, très désobligeante. Il est heureux qu'il se soit adressé à vous, qui êtes une brave femme, qui me connaissez depuis longtemps. Sans cela, qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi ? C'est ce que je lui ai dit aussi. Mais il m'a répondu qu'il n'avait aucunement l'intention de vous causer de l'ennui, qu'il ne cherchait pas à vous compromettre, qu'il vous portait beaucoup d'intérêt ainsi qu'à votre famille, à madame votre mère, que par conséquent il espérait... Riri l'interrompit. « Dans ce cas, dit-elle, ce n'est pas à moi personnellement qu'il doit écrire, c'est à ma mère. Ce n'est pas à moi qu'il a à parler. C'est à ma mère. Mais je vous en prie, ma bonne madame Thomas, s'il revient, dites-lui de me laisser tranquille. » Il ne manque pas dans Paris de jolies filles qui seront heureuses de l'écouter, qu'il aille les chercher, et qu'il laisse en repos celles qui, comme moi, ont d'autres soucis en tête que tout cela. » Madame Thomas approuva. « Vous avez raison, mademoiselle Rirette, 100 fois raison. Et ça fait toujours plaisir d'entendre une honnête jeune fille comme vous parler de cette façon. » Puis, changeant de ton, elle ajouta. « J'ai une autre commission à vous faire. Ah, encore ? D'un autre genre. Malheureusement, beaucoup moins agréable. Voyons, le gérant est venu tantôt. Il m'a dit de vous rappeler que vous aviez promis d'être en mesure pour le terme de vous demander s'il peut compter sur vous. » Rirette était devenue pâle. Lentement, douloureusement, elle répondit. « Oui, j'y pense, madame Thomas. J'espère, je crois. Le gérant ne veut plus accorder de délai. Il ne peut plus attendre. Bien, madame Thomas, bien. » La concierge rentra dans sa loge. Rirette se mit à monter péniblement cet escalier gluant, glissant, nauséabond, pour gagner ce logis étroit et malsain qu'elle avait tant de mal à conserver. Rentrée dans sa loge, madame Thomas dit à une commère, madame Bauchu, une voisine qui était venue lui faire une visite et boire un verre de curaçao avec elle. « Enfin, madame Bauchu, vous êtes témoin. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Parfaitement. J'ai bien fait la commission. Très bien. C'est que le comte m'a donné 100 francs. Oui, madame Bauchu, 100 francs pour lui dire ça à mademoiselle Rirette. 100 francs pour que vous le lui disiez. Alors, qu'est-ce qu'il donnerait pour le faire accepter? Ah, ma chère madame Bauchu, quand ces gens-là sont amoureux, rien ne leur coûte pour arriver à leur fin. Ah, qu'il dites-vous, ma chère? C'est un vrai noble, celui-là. 100 francs, 5 louis pour une lettre. Ah, si mademoiselle Rirette voulait l'écouter. En voilà un qui certainement paierait les terres mortares et les médicaments de la mère et tout le reste avec. Oui, madame Bauchu, mais voilà, mademoiselle Rirette est une honnête fille. Sans doute, siffla madame Bauchu, mais elle est trop jolie. Elle est très vertueuse. Ça, vous savez, j'en réponds. C'est l'honnêteté dans toute sa blancheur. Elle n'a pas le sou. Ah, ça, non. Alors, madame Bauchu éleva à ses lèvres son verre de curaçao et ajouta. La vertu, voyez-vous, madame Thomas, la vertu, c'est du luxe quand on est pauvre. Sur cette perfidie, madame Bauchu fit glisser un peu de liqueur dans son gosier. Riri rentrait chez elle, douloureusement troublée par ce que venait de lui dire la concierge. Alla se jeter au cou de sa mère malade, l'embrassa longuement, tendrement. Elle avait besoin de cela pour se réconforter, pour reprendre courage, pour ne pas se laisser abattre, et pour chasser de ses oreilles les paroles perfides, éloigner de sa pensée les conseils mauvais qu'elle venait d'entendre. « Oh, mère, mère chérie, disait-elle, que je vous aime. Vous ne savez pas combien je vous aime. » Puis elle s'enquit des visites du docteur Robert. « Il est venu encore aujourd'hui, mon enfant, dit la malade. Ah, quel homme charmant, quel bon cœur, quelle tendresse, quel dévouement. » Et, ajouta Marie Labossu, il commence à trouver un peu de mieux dans l'état de maman. « Vraiment ? Oui. » Pour la première fois, Marie-Rette, il a prononcé le mot de guérison. Oh, quel bonheur! Puis Rirette alla seconder Marie dans la préparation du frugal dîner. Demeurée seule un moment dans sa chambre, elle se décida à ouvrir les 2 lettres que madame Thomas lui avait remises, celle encadrée de deuil et celle qu'un cachet armorier fermait. Ce fut par celle-ci qu'elle commença. « Mademoiselle, lut-elle, permettez-moi d'insister encore auprès de vous. Vous vous êtes méprise ce matin, car j'ai fort mal su me faire comprendre. Mais le trouble dans lequel m'a plongé le grand, l'inespéré bonheur de vous parler a bouleversé mes paroles. Je reprends, en vous écrivant, mon sang-froid, et je puis vous dire plus posément ce que je voulais vous faire entendre. Je souffre pour vous de vous savoir ainsi malheureuse, et je voudrais voir votre beauté dans un cadre digne d'elle. Je suis très riche et je puis... » Rirette n'alla pas plus loin. Elle froissa la lettre. « C'est toujours la même chose. Vous êtes belle, je suis riche, je puis vous payer. Vendez-vous. Oh, c'est écœurant. » Elle fut un moment à regarder l'autre enveloppe, ne se décidant pas à l'ouvrir, craignant d'y trouver encore des phrases comme celles qu'elle venait de lire et qui la mettaient en rage, l'emplissaient de honte. Cependant, les paroles de madame Thomas lui revenaient à la mémoire. « Oui, un jeune homme très bien, très correct, en deuil, très aimable, ressemblant au docteur Robert. » Elle décacheta l'enveloppe de deuil et lut la lettre. Le ton de celle-ci était différent. Rirette la lut en entier, lentement. Pour la première fois dans les nombreuses lettres d'amour qu'elle recevait et qu'elle déchirait aussitôt, elle en trouvait une qu'elle pouvait parcourir jusqu'au bout, sans un écœurement. « Mademoiselle, lut-elle. « Permettez-moi tout d'abord de m'excuser auprès de vous de la grande liberté que je prends de vous écrire. Je vous en prie, n'y voyez aucune offense et aucune diminution dans le sincère respect que je professe pour vous. Je souhaite que vous me permettiez de vous en demander de vive voix pardon. Je n'ai pas d'autre moyen, n'osant vous aborder sur le chemin que vous parcourez tous les jours, et ne voulant pas, par respect pour vous, par dignité pour moi, le faire. Mais je serais heureux si je pouvais vous faire comprendre que ce n'est pas par l'amour banal que je me sens attiré vers vous, mais que c'est un intérêt puissant, un sentiment inexprimable de profonde et sincère affection qui me ramène sans cesse sur vos pas. Vous êtes seul dans la vie, auprès d'une sœur, d'une mère souffrante, sans appui, sans soutien, sans parents. Je viens vous prier de me faire cette grâce, d'avoir confiance en moi, de croire en moi, de me conduire auprès de celle que vous aimez tant comme si j'étais votre ami de longtemps, votre parent, votre frère. Je ne vous demande rien en retour. Plus tard, à la longue, après l'épreuve, si vous m'en jugez digne, vous m'accorderez un peu d'affection. Je ne vous fais aucune promesse dorée et mensongère. Je vous dis seulement, avec quelle joie j'apprendrai que vos yeux ne pleurent plus et que vous pouvez enfin sourire à l'avenir. » Rirette, étonnée, relut cette lettre si différente de toutes celles que jusqu'ici elle avait reçues. Les dernières lignes surtout la frappaient. « Je ne vous demande rien. Plus tard, après l'épreuve, un peu d'affection. Avec quelle joie j'apprendrai que vos yeux ne pleurent plus et que vous pouvez sourire à l'avenir. » Cette lettre, elle ne la froissa pas. Elle ne la déchira pas tout de suite. Elle la garda dans ses mains et, songeuse, répétait « Vos yeux ne pleurent plus. Vous pouvez sourire à l'avenir. » Mais se ressaisissant, elle haussa les épaules et douloureusement s'écria « Bah, menteur comme les autres, menteur plus adroit, plus perfide que les autres, qu'est-ce qu'il veut? Être amené chez nous, ici, pour se créer des droits. Il ne demande rien, parce qu'il espère pouvoir tout exiger. Ah, c'est toujours la même chose, autrement présentée. Vous êtes belle, je paierai. Soyez ma maîtresse, c'est répugnant. » Cependant, elle hésitait encore à déchirer la lettre, comme elle avait fait de celle du comte. Machinalement, retenue, elle ne savait elle-même par quelle pensée, quelle intuition, elle la garda, la plaça dans un coffret où elle rangeait ses souvenirs de jeune fille. Et quand sa sœur l'appela auprès de sa mère, les derniers mots de la lettre lui revenaient à la mémoire, ne plus pleurer, sourire à l'avenir.